Le dernier amour. J'avais 4 ans. Je dormais du sommeil paisible et doux de cet âge quand on me souleva de la couche où je reposais depuis plusieurs heures pour me porter doucement auprès de ma mère. Je ne me réveillais entièrement qu'à la lueur des bougies qui éclairaient son appartement. J'ouvris les yeux et le spectacle qui s'offrit à moi se grava dans ma jeune mémoire sans même que je comprisse alors toute l'étendue du malheur qui me frappait. Aussi, longtemps après, il suffisait que cette image se présentât à mon souvenir pour attrister les jeux de mon enfance et plus tard les plaisirs de ma jeunesse. La chambre de ma mère était tendue en damas rouge et or. Les rideaux de son lit, de la même étoffe relevée de chaque côté, la montraient pâle et presque sans vie. Cette couleur sombre et sévère donnait quelque chose de plus triste encore à cet aspect déjà si terrible. Au pied de ce lit de mort, les gens de la maison, à genoux et les yeux en pleurs, demandaient au ciel un miracle en faveur de leur jeune et bonne maîtresse. Assise sur un fauteuil, une femme d'un âge mûr répandait des torrents de larmes et de temps en temps, le médecin placé au chevet du lit était obligé de s'approcher d'elle pour l'aider à reprendre ses sens. C'était Madame Beaumont, la mère de la mienne. Plus près encore de celle qui allait quitter la vie, était un ministre de Dieu qui, à chaque instant, présentait aux lèvres de la mourante un crucifix d'or et prononçait des paroles sans doute bien consolantes, car les regards de ma mère, se détournant de moi, se levaient avec plus de sérénité vers le ciel. Tout à coup, je sentis que l'on me rapprochait du sein où j'avais puisé la vie. Je sentis une larme tomber sur mon front. Je sentis les faibles battements du cœur maternel. Un long soupir se fit entendre, des sanglots s'y mêlèrent, c'en était fait, je n'avais plus de mère. Madame de Beaumont quitta pour quelque temps la maison que la mort de sa fille avait remplie de deuil, et reportant sur moi seul toutes ses affections, elle m'éleva avec un soin et une tendresse qui rendirent mon enfance aussi tranquille que fortunée. J'avais pleuré et demandé ma mère dans les premiers moments, mais son souvenir, sans s'effacer entièrement, devint chaque jour plus fugitif. Seulement, je n'oubliais jamais l'instant solennel où elle m'avait été enlevée. Ma grand-mère m'aimait avec une tendresse extrême, mais elle ne croyait pas qu'elle dût me gâter pour me rendre heureuse, et je suis certaine qu'au besoin, elle aurait usé de sévérité si j'avais eu quelques défauts essentiels à corriger. Heureusement, il n'en était rien. Mon caractère égal et doux était seulement trop tendre, trop sensible. Mais loin de traiter avec peu d'importance de pareils penchants, Madame de Beaumont, qui était une femme très supérieure, s'en effrayait souvent. Cependant, plus souvent encore, entraînée elle-même par ce charme que la sensibilité répand sur les grâces de l'enfance, tout en redoutant de me voir si facilement et si fortement ému, elle me trouvait plus aimable, m'en aimait davantage. Aussi, sans calcul et seulement par l'instinct du cœur, je n'essayais pas de me corriger. D'ailleurs, l'éducation que je recevais était si peu conforme à celle que l'on donnait aux autres enfants, que me sentant traité si différemment, je devais bien peu leur ressembler. Depuis le jour où j'étais restée orpheline, quelque temps avant la mort de ma mère, mon père ayant péri à l'armée de Condé, depuis ce jour, dis-je, je n'avais pas quitté un seul instant Madame de Beaumont. Assise à ses pieds, je me taisais facilement pour l'entendre. Sans cesse entourée d'amis spirituels, on trouvait près d'elle tout ce qui donne du charme à la société, une douce liberté sans licence et une confiance qui naît presque toujours de la conformité d'opinion. La révolution n'était pas finie, mais elle avait perdu de sa terreur, et une gloire nouvelle sortait de cette ébullition terrible. Les arts renaissants commençaient à ressaisir leur empire. Les femmes, lasses de ces convulsions politiques si peu faites pour elles, revenaient avec empressement au délassement de l'esprit. On pouvait citer Madame de Beaumont comme une des plus remarquables d'entre elles. Quelques années plus tôt, et avec plus de prétention, elle eût pu disputer à Madame du Deffand la gloire de réunir la société la plus brillante de Paris. Elle était même plus réellement aimable que cette femme si recherchée. Pour être reçue chez elle, il n'était pas nécessaire d'être célèbre, il suffisait d'être bon, simple, aimant. Aux yeux de Madame de Beaumont, une bonne action valait un bon ouvrage, et elle jugeait toujours le cœur avant l'esprit. Cependant, elle comptait parmi ses amis les plus chers des gens distingués par leur talent, et j'étais à peine sorti de l'enfance que les yeux fixés sur la mobile physionomie de l'abbé de Lille, je l'écoutais avec une précoce admiration lire son poème de la pitié. Il faisait passer dans tous les cœurs le feu et l'entraînement de ses beaux vers. Ma mère recevait aussi l'us de l'Ancibal, dont toutes les connaissances devenaient des amis. Le Gouvet, de qui le gracieux talent mérita d'être le chanteur des femmes, Marcelier, conteur plein de grâce et de malice, d'Alérac et Grétry, qui associèrent souvent leurs harmonieux accords à ses vers, le brillant auteur de Corinne, dont la brûlante énergie entraînait, tout en effrayant un peu, Madame Cotin, qui, toujours modeste, essayait vainement de fuir la célébrité et ne laissait échapper qu'avec peine des mots si doucement spirituels qu'on sentait qu'elle les puisait dans son âme. Fanny de Beauharnais, Constance Pipelet, Madame d'Aupoul, dont les vers charmants, pleins de naïveté et de grâce, ont laissé si loin Madame Desoulières tant vantée. Ceux que je viens de nommer, et d'autres non moins remarquables, tels étaient les amis que Madame de Beaumont réunissait autour d'elle. Sa noblesse était ancienne, mais elle n'y avait pensé que pour en éprouver la cruelle influence. On l'avait mariée presque malgré elle, à un cousin, très noble aussi. Elle avait été malheureuse et jouissait avec bonne foi et plaisir de la liberté qu'elle avait retrouvée. La Révolution lui avait enlevé une partie de sa fortune. Mon père, en émigrant, avait détruit la sienne, mais il restait à ma grand-mère pour elle et pour moi 40 000 livres de rente. C'était assez pour être heureuse et utile. Aussi repoussait-elle avec un peu de sévérité ceux qui voulaient la consoler des pertes qu'elle avait éprouvées. Elle ne possédait plus de terres seigneuriales. Elles avaient été vendues. Mais une petite maison élégante placée près d'Auteuil avait pour elle plus de charme que n'en aurait eu un magnifique château situé trop loin pour que ses amis de Paris, qui ne pouvaient s'éloigner longtemps, y pussent venir souvent. Tandis qu'à la porte de la capitale, il se rendait presque chaque jour dans cette aimable retraite, où Désiré, attendu toujours, il n'était plus invité. Là, comme à Paris, Madame de Beaumont ne donnait point de ces grands dîners d'apparat, où l'ennui s'assied avec les convives. Sa table était servie de manière à recevoir les amis qu'on espérait. Quand cette aimable attente se trouvait trompée, ma grand-mère disait tristement à son maître d'hôtel, « Ambroise, nous avons eu bien des couverts inoccupés aujourd'hui. » Telle était ma seconde mère, telle fut la société au milieu de laquelle s'éleva mon enfance et ma jeunesse. Rien de calme, de vrai, comme ceux qui m'entouraient. Je n'avais connu qu'un chagrin, celui de voir disparaître peu à peu presque tous nos anciens amis. Plusieurs étaient morts avant le temps, d'autres avaient subi naturellement la loi que les années imposent à tous. « Je m'en irai bientôt comme ces derniers, » me disait Madame de Beaumont. « Avant ce moment, mon Amélie, je voudrais te voir un époux, une famille. » Je voudrais bénir tes enfants avant de finir. Je pleurais à ces paroles. Je l'assurais que je ne voulais point me marier, que je voulais toujours rester près d'elle et mourir en même temps. À la suite de ces conversations, j'étais longtemps triste. Les années n'avaient fait qu'accroître ma sensibilité déjà trop développée. Cette vie si douce, ces sentiments affectueux qui nous environnaient, me rendaient plus sensible que je n'aurais dû l'être. La réflexion n'était chez moi que de la mélancolie, et au milieu du calme de ma riante existence, je sentais que la vie avait pourtant quelque chose de décourageant. Je me figurais que le sort remplit-il envers moi tout ce qu'il semblait me promettre de bonheur, je désirerais encore. Tant une âme passionnée, sensible et difficile à satisfaire. Si je n'avais pas souffert, j'avais déjà vu souffrir. Déjà plus d'un chagrin avait été raconté devant moi, et je n'étais point de ces cœurs faits pour ne sentir que leur douleur personnelle. Au nombre des amis intimes de ma grand-mère était une Madame Darcy, avec qui elle avait été au couvent. Le sort ne les avait pas traités de même. L'une s'était mariée richement et sans amour, l'autre avait été heureuse par ce dernier sentiment, mais n'était point riche. La différence de leur position et de leur fortune n'avait jamais refroidi leur amitié. Établie loin de Paris, Madame Darcy y venait quelquefois, et seulement pour voir son amie. Devenue veuve, ses voyages furent plus fréquents, et souvent elle passait des hivers entiers près de nous, où Madame de Beaumont l'engageait beaucoup à se fixer tout à fait. « Non, lui répondait son ami, je ne puis me décider à quitter entièrement l'humble toit où j'étais si heureuse. N'est-ce pas là que j'ai reçu le dernier soupir de celui qui a su répandre sur ma vie une félicité si parfaite ?» À ce souvenir, ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle les essuyait promptement, en ajoutant avec un doux sourire, « Ne croyez pas que je murmure, j'étais 25 ans heureuse par l'amour, jamais la voix, le regard de celui que j'aimais n'ont été un seul instant moins tendre. » À son dernier moment, il m'adorait comme au plus beau jour de notre jeunesse, et j'oserais me plaindre. Oh non, je serais trop injuste envers le ciel qui m'accorda le plus grand bonheur qu'une femme puisse rencontrer sur la terre. Je me plaisais beaucoup avec Madame Darcy. Son caractère réunissait la douceur à la force. Elle avait été très jolie. Dans les premières années où je la connaissais, elle eût pu prétendre à le paraître encore, mais dénuée de toute prétention. Elle oubliait qu'elle pouvait plaire par d'autres charmes que les qualités de son âme. Elle était fort pâle, assez abattue, et l'on se disait que si un jour elle voulait se parer, elle serait charmante. Ce jour ne venait jamais, mais on semblait toujours l'attendre, comme s'il n'eût dépendu que d'elle de s'embellir. De quelques années plus jeune que ma grand-mère, son esprit avait plus de rapport avec le mien. Sans être romanesque, cette vie d'amour, menée si longtemps loin du monde, lui avait laissé quelque chose qui ressemblait. Moins brillante que Madame de Beaumont, elle inspirait plus de confiance. Car on ne peut se dissimuler que l'habitude du grand nombre porte les personnes qui y vivent à un peu de moquerie pour les sentiments passionnés, et ceux qui les ressentent les cachent avec soin devant eux, peut-être même sans s'en apercevoir. Ce qu'on craint le plus dans la vie, c'est le ridicule. Aussi, j'aimais bien mieux causer avec Madame Darcy de toutes les rêveries du cœur qui occupent la jeunesse. Elle me comprenait toujours, et c'est un des plus grands charmes de l'intimité de ne pas avoir besoin d'expliquer toute sa pensée. Quand elle était absente, nous nous écrivions souvent. Je désirais beaucoup aller passer quelque temps au milieu de ces montagnes dont elle me faisait de piquantes descriptions. Sa petite maison placée non loin de Chambéry était, me disait-elle, dans une situation très pittoresque. Madame de Beaumont promettait toujours de s'y rendre, mais elle éprouvait une grande répugnance à quitter cette vie de Paris où elle avait concentré toutes ses habitudes. Ses amis se désolaient à l'idée d'une absence. Sa santé était délicate. Ce voyage paraissait pénible. Elle le remettait tous les ans. Elle ne devait jamais le faire. Nous n'avions pas vu Madame Darcy depuis deux hivers, lorsqu'enfin elle nous écrivit qu'elle ne tarderait pas d'arriver. Contre son habitude, ma mère ne me montra pas sa lettre. Elle la relut plusieurs fois avec attention et me sembla préoccupée. Mais je ne m'en inquiétais pas, et ne m'attachais qu'au plaisir de revoir notre amie. Le lendemain de son arrivée, elle nous prévint qu'elle nous présenterait le jour même un ancien ami avec qui elle avait fait le voyage. « C'est un ancien ami, quoique très jeune, » continua-t-elle en souriant. « C'est comme vous, Amélie. Encore peu de temps, et nous serons d'anciens amis. Je l'ai connu presque aussi enfant que vous. Son père possédait un très beau château au pied duquel est située ma chaumière. Il est mort l'année dernière, et depuis ce temps, son fils, qui était venu recevoir son dernier soupir, n'a point quitté cette terre qui était en désordre. Je l'ai beaucoup vu, et il a bien voulu ne pas trop s'ennuyer dans la société d'une vieille femme. « Est-ce que M. de Tourville n'a aucune carrière commencée ?» demanda ma grand-mère. « Pardonnez-moi, » reprit son ami. « Il occupait une place importante à la cour de Naples, et il y serait encore s'il n'avait été obligé de revenir en France pour ses affaires. D'ailleurs, avec 60 000 francs de rente, on ne manque pas d'emploi. C'est du reste un homme fort remarquable. » Dans ce moment, Madame de Beaumont jeta les yeux sur la pendule, et les reportant sur moi, elle me dit « Est-ce que tu ne songes pas à ta toilette, mon enfant ? Il me semble... » « Laissez-la ainsi, » interrompit Madame Darcy. « Cette simplicité lui sied si bien, et Amélie est si jolie. »« À vos yeux, » dis-je à mon tour en lui serrant la main, « on trouve toujours beau ce qu'on aime. » La porte du salon s'ouvrit, et l'on annonça le comte de Tourville. Il reçut des deux amis l'accueil le plus aimable. Après avoir répondu à son salut, j'allais me retirer à ma place accoutumée, dans l'embrasure d'une fenêtre où je travaillais toujours, quand Madame Darcy trouva le moyen de me retenir auprès d'elle. Il survint quelques personnes, mais la conversation ne fut ni cérémonieuse ni gênée. M. de Tourville avait dans son ton une aisance si aimable qu'il inspirait à ceux avec lesquels il causait. Aucune prétention ne se montrait dans sa manière de s'exprimer, et cette simplicité avait néanmoins quelque chose d'imposant qui indiquait son rang dans le monde. Sans que ses yeux parussent se fixer sur moi, je sentais pourtant qu'il m'examinait beaucoup. Une idée vague des projets de Madame Darcy se présenta à moi, mais elle ne m'embarrassa point. La confiance était le premier sentiment qu'on éprouvait pour M. de Tourville, et dès l'instant où je le vis, je me dis que si j'avais besoin d'un ami, ce serait lui que je choisirais. Il revint le lendemain et tous les jours suivants. Jamais il ne me faisait de compliments, jamais de ces éloges outrés à l'aide desquels un homme ordinaire croit plaire et séduire. Mais il relevait avec soin ce que je disais, ou ce que je faisais de bien. Sa voix déjà si douce avait en me parlant quelque chose de plus doux encore. Mes talents étaient ceux qu'il préférait. Mes auteurs favoris étaient les siens, et sa belle et noble figure s'animait quand on vantait les grâces de la mienne. Enfin, il m'aimait, il me le dit. Ses expressions furent mesurées et pleines de tendresse. Il me parla de mon bonheur comme du premier devoir de sa vie. Peut-être n'était-ce pas tout à fait la passion que j'avais rêvée. Peut-être, sans me l'avouer, aurais-je désiré plus de véhémence et d'ivresse. Mais comment n'aurais-je pas rendu justice à un homme que tout le monde chérissait et respectait? Où aurais-je trouvé un esprit plus éclairé, une âme plus élevée? Ce fut donc avec la certitude d'être heureuse et avec un attachement sincère que j'accordai ma main à M. de Tourville. La veille du jour où nous devions être unis, il désira m'entretenir sans témoin. Ce fut pour me rassurer sur l'avenir toujours si effrayant d'une femme qui confie sans retour sa destinée à un autre. Il me dit des paroles pleines de délicatesse et de raison. Je sentais une confiance extrême en lui, mais je me taisais, car j'étais un peu honteuse d'être si émue. Il était si calme. « Je crois, chère Amélie, ajouta-t-il, que vous approuverez le refus que j'ai fait à Madame de Beaumont de la moitié de sa fortune. Pouvais-je consentir à lui imposer quelques privations en acceptant la dot qu'elle voulait vous donner? Ne sommes-nous pas assez riches, et moi surtout qui vais vous posséder ?» Qu'il y avait d'amabilité, de délicatesse dans toutes ces expressions. Quel ami le ciel me donnait. Nous fûmes mariés. J'avais près de 18 ans. M. de Tourville était dans sa 30e année. Il promit avec une condescendance charmante de ne pas m'éloigner de ma grand-mère, et il accepta un appartement chez elle, quoique sa fortune pût lui permettre de déployer plus de luxe. Mais rien n'égalait la modération de son caractère. L'avouerai-je ? J'ai été quelquefois embarrassée de cette perfection et honteuse de ne pas arriver à une telle hauteur. J'étais née bonne, sensible, mais que de faiblesse, d'inégalité, je découvrais en moi à côté de ces vertus si pures et si parfaites. Avec lui, la vie était un beau jour dont rien ne troublait le calme. Noble et grand dans toutes les occasions, on était sûr d'avance qu'au milieu des événements les plus importants, comme dans les plus simples, la route qu'il suivrait serait toujours celle de l'honneur et de la bonté. Il savait autant que personne combien le monde renferme de vices et d'erreurs. Il le plaignait et montrait pour lui plus d'indulgence que d'étonnement. C'était un sage, enfin, et je n'étais qu'une femme. Souvent aussi, au moment où, entraîné par l'enthousiasme de mon caractère, j'allais donner devant lui l'essor à une imagination trop vive et trop exaltée, je m'arrêtais tout à coup et le regardais avec contrainte. Ma sensibilité expansive m'embarrassait comme un tort. Ah, combien j'aurais voulu qu'il la partageât mieux! Je n'aurais pas craint alors qu'elle lui parût déplacée. Mais non, il appelait mon exaltation, le bruit de ma jeunesse que les années calmeraient. L'amour qui pouvait entraîner à des erreurs lui paraissait une fièvre plus que dangereuse. Il ne le comprenait pas. Souvent, en l'écoutant, je détournais mes regards. J'étouffais un soupir et me disais que j'étais heureuse, mais j'avais besoin de me le dire. Plusieurs années s'écoulèrent. Je fatiguais vainement le ciel de mes vœux. Je n'étais pas mère. Ce lien m'eût été si nécessaire. Un enfant eût apaisé ce besoin d'aimer qui dévorait ma vie. J'eusse reporté sur lui cette tendresse passionnée dont un sage me faisait presque un tort. Je n'obtins pas ce bien si doux que Dieu accorde aux femmes bénies par lui. Je perdis même ma bonne et aimable grand-mère. Elle rendit doucement sa vie en me remerciant de ne m'être jamais éloigné d'elle. Peu de temps après, Madame Darcy, qui ne l'avait pas quitté les dernières années, retourna dans sa solitude. Et nous, devenus, quoiqu'à regret, plus riches et plus libres, nous entrâmes dans cette vie du monde à laquelle il est difficile d'échapper au milieu de Paris. Monsieur de Tourville accepta un emploi honorable qui nous engagea à recevoir, à donner des fêtes. Il conserva dans cette nouvelle position son calme et sa supériorité, tandis que moi, j'avoue que je me laissais aller à quelquefois à l'entraînement de ses plaisirs. Il m'enlevait aux réflexions qui attristaient mon âme. La société influe plus qu'on ne croit sur le caractère. Je crus perdre de cette sensibilité profonde qui gâtait ma vie. Je désirais des succès, j'en obtins. Combien ne sont-ils pas faciles à une femme riche et entourée de tout le prestige, du luxe? Que d'adulation lui persuade qu'elle est parfaite? Que viendraient faire auprès d'elle les talents ou la beauté obscure d'une autre? Que j'étais spirituelle, que j'étais belle, j'ai donné des fêtes si brillantes. L'amour, ou du moins ce qu'on nomme ainsi dans le monde, voulut à son tour se faire entendre. Il prit pour me séduire ce langage charmant, emprunté à la passion par la flatterie. Mais je retrouvai aussitôt mon âme tout entière et l'idée enchanteresse que je m'étais faite d'un sentiment pur et puissant. Je ne pus m'y tromper. Ai-je juste été libre, je n'eusse pas aimé et respecté mes liens, que jamais je n'aurais pu m'y méprendre. Non, pour remplir mon cœur d'un sentiment tel que celui qui me conduit au tombeau, il ne fallait ni un caractère, ni un homme ordinaire. Que de fois, sortant d'une fête et seul dans mon appartement, je me dis « Voilà donc tout ce que la vie offre de bonheur. Demain, après, elle ramènera les mêmes distractions, le même monde, et je mourrai sans que jamais personne m'ait entendu. Jamais je n'aurai échangé avec un autre ces pensées puissantes qui me dominent. Et pourtant, que d'éléments de bonheur m'entourent, quel être parfait veille sur ma vie. Aussi, après avoir longtemps rêvé, après avoir repoussé les images fantastiques d'une félicité que je ne devais pas connaître, je retournais au milieu des plaisirs et cherchais de nouveau à m'étourdir. « Chère Amélie, me dit un jour M. de Tourville, voici une occasion favorable pour votre âme aimante et généreuse. Un de mes parents, éloigné, il est vrai, vient de mourir. Il laisse une veuve, 4 enfants, et à tout cela une fortune bien insuffisante. L'un de ses enfants est ma filleule. Je me propose de lui faire finir son éducation et de la marier ensuite. Vous veillerez sur elle, n'est-il pas vrai? Et choisirez la maison que vous croirez le mieux convenir. Pourquoi ne pas la garder? Répondis-je à M. de Tourville. Puisque nous n'avons point d'enfant, notre filleule nous en tiendra lieu. Comme vous voudrez, me répondit-il. Adine arrive dans peu de jours. Pensez-y encore d'ici là, et vous agirez ainsi que vous le jugerez convenable. Tenez, ajouta-t-il, lisez cette lettre de Charles, le fils de mon plus ancien et plus cher ami. Vous savez combien je l'ai regretté, et combien j'aime ce jeune homme. Ses vertus, son caractère me charment. Il se ressent pourtant d'avoir été élevé dans nos montagnes. Il est trop enthousiaste. Cependant, je ne pense pas que cela lui nuise auprès de vous, chère et bonne Amélie. Il sortit en me laissant cette lettre. Il me serait impossible de bien exprimer pourquoi j'éprouvais une émotion si puissante. Plusieurs fois mon mari m'avait parlé de Charles. Je savais que son père avait montré à M. de Tourville un attachement sans bornes, qu'il s'était rendu de ses services mutuels qui resserrent tant l'amitié et qu'à son lit de mort, le père de Charles avait légué avec confiance son fils à mon époux. Ce jeune homme que M. de Tourville aurait désiré voir se fixer à Paris avait préféré partir pour l'Italie, afin d'y cultiver la peinture pour laquelle il montrait les plus grandes dispositions. « Il rêve, » m'avait souvent dit son protecteur, « qu'avec son pinceau il se fera une fortune et surtout une réputation. C'est une tête d'artiste pleine d'indépendance et de noblesse, nourrie de la lecture des poètes et de ses auteurs à pensée élevée, trop souvent idéal. Il s'égarait des journées entières dans nos ravins, avec Chateaubriand et Byron. C'est la plus belle âme et la plus mauvaise tête qui existe. Idolâtre de tout ce qui est grand, extraordinaire, je crains qu'il ne comprenne pas bien le monde et la vie. » Je le répète, cette lettre de celui que M. de Tourville appelait un enthousiaste m'inspirait une sorte de terreur dont je ne saurais me rendre compte. À moins de croire que nous avons en nous-mêmes un instinct secret qui, malgré les distances, les obstacles, tout enfin, nous fait pressentir et redouter celui qui exercera sur nous une influence à laquelle rien ne pourra nous arracher. Prions au moins le ciel que nous ne mêlions pas le crime à nos destinées. La lettre de Charles était ainsi conçue. Que vous êtes bon et indulgent, mon ami. Ni mon négligent silence, ni la sombre misanthropie que vous blâmez, ne lasse point votre amitié. Votre dernière lettre en est encore plus remplie que les précédentes. Mais que voulez-vous? Je ne puis me changer, et comme vous le dites vous-même, je suis né trop sensible, trop indépendant, pour être heureux à la manière des autres. Ce monde auquel vous m'engagez toujours à me mêler, m'effraie et me glace. J'ai trop lu pour avoir confiance dans les hommes. Qu'irais-je leur demander en effet ce qu'ils ne pourraient m'accorder? Je veux être aimé. Je ne suis ni riche ni puissant. Encore les riches, les puissants sont-ils aimés? Mais on les trompe, on les flatte, du moins, tandis que moi, qui aurait intérêt à m'entourer d'illusions? D'ailleurs, je ne crois point que mon cœur puisse y tromper. Depuis 4 ans que je suis à Rome, j'ai éprouvé déjà plus d'une cruelle déception. Déjà plus d'une main trompeuse a serré la mienne. Plus d'un faux ami a blessé mon âme. L'amour qui naît si vite sous ce climat si doux, l'amour qui fait la distraction de tous les hommes, ne peut être, je le sens, seulement un amusement pour moi, car c'est plus que du plaisir que j'exige, c'est du bonheur. Il faut que je sente battre sous le mien un cœur qui m'appartienne à la vie et à la mort. Aussi, je repousse facilement tous ces liens d'un jour. que le caprice commence et que la vanité ou la faiblesse vont quelquefois durer. Ce n'est point la beauté seule que je cherche sur la figure d'une femme, c'est son âme. Je veux que son œil, en se fixant sur le mien, me révèle une pensée à la fois énergique et tendre. Je veux trouver ce trésor et pouvoir l'emporter dans ma solitude, sans qu'elle y éprouve un regret, un souvenir. Mais pardon, je m'égare. Et vous vous apercevrez bien assez que mon séjour en Italie n'a point effacé, ni même adouci, ma tâche originelle. Je suis toujours le rustique enfant de nos montagnes. Je veux l'impossible. Je veux l'amour vrai et la bonne foi sur la terre. Vous me reprochez de ne pas vous donner de détails sur l'Italie. Vous la connaissez si bien, et quel est d'ailleurs celui qui n'en parlerait mieux que je ne pourrais le faire. Je n'ai vu de ce pays que son aspérience, ses tableaux, ses antiquités et quelques artistes. Je ne parais dans aucune société. Je suis allé jusqu'à Naples, le bruit de cette ville me gênait, et l'on dit que votre Paris est plus bruyant encore. Je viens de faire une excursion à Venise. Il pleuvait quand j'ai traversé les lagunes. C'était la nuit. J'ai trouvé quelque chose de triste et de désolant dans ces eaux éternelles qui vous entourent. Venise est la ville la plus curieuse du monde, mais je n'aimerais pas à l'habiter. Elle parle beaucoup à l'esprit, elle étonne, mais elle ne dit rien à l'âme. Il me faut des arbres, de l'ombrage, des montagnes. Ces palais, ces monuments, ne sont tous que l'ouvrage des hommes. Le site le plus austère, le plus sauvage, est encore celui de Dieu. J'ai cependant été visiter les églises, les galeries, le palais du Doge. Longtemps je suis resté les yeux fixés sur le voile noir qui cache le cadre inoccupé de Marino Faliero, condamné et décapité comme traître. S'il eût réussi, il eût été le premier dans l'histoire de sa nation. Parmi les magnifiques tableaux qui remplissent le palais du Doge, une composition extraordinaire m'a frappé. C'est le Jugement dernier de Palma Nuovo. Dans l'enthousiasme de l'amour heureux, il plaça sa jeune et belle maîtresse au nombre des élus. La fragilité et l'inconstance d'une femme précédèrent la fin de l'ouvrage du peintre. Elle fut infidèle avant qu'il l'eût terminé, et par une vengeance toute italienne, on trouve de l'autre côté du tableau la belle coupable livrée au diable, qui l'entraîne aux éternels supplices. L'imagination seule de l'artiste les créa, mais elle, a-t-elle compté une seule des larmes véritables qu'elle a fait répandre ? Oh, mon ami, qu'il doit être affreux de gémir sur l'inconstance de ce qu'on aime. Sa mort serait moins terrible, on peut la suivre. Mais savoir que la même terre vous porte, que sa volonté seule vous sépare, cette affreuse idée peut faire rêver le crime. Au retour, je me suis arrêté à Ferrare. Cette ville est dépeuplée. Où est cette brillante cour d'Alphonse ? Il est oublié, lui. Le seul souvenir qu'il a laissé est celui de son injustice. Mais on garde, à la bibliothèque, avec un religieux respect, les manuscrits du Tasse. J'ai trouvé ces lignes touchantes, tracées de la main de l'infortuné. Vous dites que je suis fou, Alphonse. Lisez cette page de Jérusalem écrite dans mon cachot, et osez le dire encore. Quelques minutes après, ma tête s'appuyait contre les barreaux de ce même cachot. Ma main arrachait presque avec délire quelques-unes des pierres qui retenaient l'anneau d'où pendait la chaîne qui l'attachait. La chaîne du Tasse. Concevez-vous ce crime ? Mais c'est celui d'un puissant du monde. Faut-il s'en étonner ? J'ai vu beaucoup de noms écrits sur la porte de la prison de Torquato. Celui de Byron semble placé là comme un beau souvenir. Byron s'est fait renfermer plusieurs heures dans cette prison sacrée. Il parcourait cet étroit réduit avec l'agitation de la fièvre. Il n'avait pas besoin d'y chercher des inspirations, mais à coup sûr, il n'y puisa pas de l'admiration pour les grands. Puisque vous le voulez, mon ami, je reviendrai en France l'année prochaine, et même, je me rendrai à Paris, quoique j'aie perdu les idées de ma première jeunesse, l'espérance de faire fortune avec mes talents. Je suis persuadé maintenant qu'il ne suffirait point. Il faut plus devant les hommes, il faut ramper. Je ne le pourrais, ni ne le voudrais, mais j'essaierai si mon pinceau que l'on monte ici pour assurer mon indépendance. S'il ne le peut, je reviendrai sous le modeste toit que m'a laissé mon père. J'ai assez pour vivre. Et qu'importe après tout qu'un homme de plus meure ignoré. Je viens de voir un élégant français qui arrive nouvellement de Paris. Il était encore tout transporté des plaisirs qu'il y a goûtés. Quand je vous eus nommé, il s'écria « Le comte de Tourville ? Sa maison est une des plus brillantes. Il donne des fêtes délicieuses. » dont sa femme paie les honneurs d'une manière admirable. Et lorsque j'insistais pour savoir si vous n'étiez pas trop fatigué de votre emploi, il m'a répondu « Est-ce qu'on a le temps de se fatiguer à Paris? Qu'importe d'ailleurs. La comtesse est la femme la plus élégante et la plus à la mode de la capitale. Elle donne le ton. Elle est d'une beauté et d'un éclat. Vous le dirai-je, mon ami? Je redoute extrêmement de voir Madame de Tourville. Quelque charmante que vous la dépeigniez, aura-t-elle de l'indulgence pour ma gauche timidité? Que serais-je, dites-le-moi, au milieu de cette société si brillante, où je ne comprendrai personne, où personne ne daignera me deviner? Ah, que j'aimerais bien mieux vous revoir au milieu de nos montagnes. Là, entre vous et le souvenir de mon père, je ne craindrai rien. Ah, mon ami, ayez pitié de moi. N'exigez pas que j'aille à Paris. Cependant, quoi que vous ordonniez, j'ai juré à mon père de vous obéir, et à vous de vous aimer comme si vous étiez mon père. Je ne pensais point à rendre à M. de Tourville la lettre de son jeune ami, et je dois l'avouer, je l'ai relue plus d'une fois avec une émotion nouvelle. Mon cœur se serra, en apprenant combien elle redoutait de m'être présentée. Hélas, je n'étais à ses yeux qu'une femme bien frivole, bien occupée des plaisirs du monde. Et l'âme qui avait le plus de rapport avec la mienne, la méconnaîtrait peut-être toujours. Charles viendrait vers moi avec cette défiance que lui inspiraient déjà la prospérité et les richesses. Ces réflexions me faisaient jeter un coup d'œil sur le luxe qui m'entourait, et je me disais que ce n'était point de lui, cependant, que j'attendais le bonheur. Les idées vagues et rêveuses que la société avait un peu écartées s'emparèrent de moi avec une force nouvelle, et l'arrivée de la jeune Adine ne les dissipa que bien légèrement. La fraîcheur de la jeunesse embellissait son joli visage. Ses beaux cheveux blonds, tombant avec profusion sur des yeux d'azur, la rendaient éblouissante au premier regard. En l'examinant mieux, il est vrai, on découvrait moins de finesse que d'éclat dans sa figure. Peut-être même, au bout de quelques moments, la première admiration qu'elle inspirait faisait-elle place à une sorte de froideur. Du reste, légère et déjà coquette, sa sensibilité n'allait jamais jusqu'à la tristesse. Son esprit n'avait point cette supériorité qui sert si rarement au bonheur. Elle était assez spirituelle parce qu'elle était jolie. S'il n'eût pas eu ce dernier avantage, on aurait probablement remarqué qu'elle n'avait pas assez du premier. Enchantée d'être établie dans une maison où respirait le luxe et l'aisance, accueillie avec bonté par M. de Tourville, avec amitié par moi, la vie lui semblait la chose du monde la plus gaie et la plus facile. Elle se montrait docile et m'écoutait avec confiance. Il est vrai que mes avis n'étaient pas bien sévères. Elle profita avec succès des maîtres que je lui donnais, surtout pour la danse et pour la musique. Ses talents devaient réussir dans la société vers laquelle tous ses désirs s'élançaient. Mais si je voulais raisonner avec elle, éclairer son esprit, élever son âme, l'ennui se peignait aussitôt sur sa figure. Je renonçais alors à trouver en elle autre chose qu'une jeune fille bien futile et bien légère. Je n'avais donc point rencontré dans Adine une affection qui remplit mon cœur et me détourna des pensées dangereuses qui m'attristaient avec plus de puissance depuis que j'avais lu la lettre de Charles. Je comptais, sans m'en apercevoir, le temps qui s'était écoulé et celui qu'il y avait à s'écouler encore, jusqu'à l'instant où je le connaîtrais. Il me semblait que c'était du malaise et de l'effroi que je ressentais, et je partageais presque le désir qu'il manifestait de ne pas venir à Paris. Une année venait de passer ainsi. Nous étions au mois de mai, et c'était à celui de juin qu'il devait arriver, lorsque M. de Tourville, entrant vivement dans mon appartement, me dit « Je puis remplir un de vos vœux les plus chers, Amélie, celui de revoir Mme Darcy et de visiter en même temps notre Savoie. Je suis chargé d'une mission auprès de la cour de Sardaigne. Elle m'y retiendra environ 2 mois. Vous me suivrez à Turin ou resterez près de votre ami. » Je le remercie avec joie, et M. de Tourville étant pressé de partir, je lui promis que je serais prête le soir même. Adine, enchantée de tout ce qui était nouveau, jouissait par avance des plaisirs que nous goûterions à la cour de Piémont, où elle nous voyait déjà briller. Ce n'était cependant pas mon projet. Le bonheur de revoir Mme Darcy, d'échapper au monde, d'être un peu à moi-même, voilà ce que je désirais. Nous voyageâmes rapidement et le 4e jour, après avoir passé les échelles et placé sur une hauteur, nous aperçûmes les tourelles du château de Tourville. Un soleil magnifique égayait cette contrée agreste et sauvage. Ses rayons brillants coloraient de 1000 teintes différentes les eaux et les bois. Que de calme, quel religieux silence! on voyait dans l'éloignement des sentiers à pic qui, passant au-dessus des abîmes, semblaient conduire dans les nuages. Je les montrais avec effroi à mon époux. « Eh bien, me dit-il, ces chemins qui vous épouvantent, ces bois sombres, ces âpres rochers, c'est là où Charles se plaît, où nous le reverrons. » Je tressaillis à ce nom. L'avais-je donc oublié? N'ayant pas eu le temps de prévenir Madame Darcy, nous laissâmes les voitures prendre la grande avenue, et traversant le pont jeté sur le torrent, nous fûmes bientôt à la porte de sa maison. En remarquant sa simplicité, Adine cherchait vainement les châteaux où, suivant elle, nous devions trouver tant de distractions. La joie de ma vieille amie fut égale à la mienne. Elle consentit à venir passer au château le temps que nous y resterions, car déjà il était convenu que M. de Tourville se rendrait seul en Piémont. Il partit en effet, et ce ne fut qu'en montant en voiture qu'il me dit « Vous verrez sans doute Charles avant moi. J'ai envoyé chez lui pour qu'on le prévienne à son arrivée que nous l'attendions ici. À mon retour, je vous apprendrai mes vues sur lui. » J'étais à Tourville depuis un mois. Plus j'habitais la campagne, plus je ressentais de calme. Madame Darcy m'avait fait connaître tous les malheureux. Combien de fois mon cœur ne saigna-t-il pas, en entrant dans leurs chaumières délabrées, en voyant des enfants presque nus, livrés à une stupide ignorance. Je voulus essayer de répandre un peu d'instruction, mais il fallut y renoncer et se borner à soulager les maux physiques. En retrouvant Madame Darcy, je crus avoir retrouvé aussi les plaisirs de la confiance. Mais maintenant elle me grondait des idées exaltées qui avaient survécu à ma première jeunesse. « Vous êtes heureuse, » me disait-elle. Elle semblait que ce mot-là, dont je ne pouvais révoquer la vérité, dut me réduire au silence, comme si le bonheur était seulement dans la possession des jouissances de la vie. Aussi, et sans m'en apercevoir, j'aimais davantage la solitude. Je parcourais chaque jour avec un nouveau plaisir ces chemins dont la vue ne m'effrayait plus. Je devins habile à traverser les ravins, les torrents, et souvent, au milieu de ces bois déserts, j'écoutais sans effroi le bruit de ces hautes cascades qui tombent des montagnes. Dans une des plus belles soirées du mois de juin, je partis, ne prévoyant pas que je ferais une aussi longue promenade. Mais la douceur de l'air, un nouveau site que j'avais découvert, m'avait entraîné et le soleil commençait à descendre quand je m'aperçus que j'étais assez loin du château. Dans la vallée profonde où je me trouvais, on ne pouvait plus en distinguer les hautes tourelles, mais je suivais le même torrent qui passait à leurs pieds. À la place où je m'arrêtais, il formait un petit lac. Sur ses bords croissaient en abondance et le narcisse des eaux et l'ancolie sauvage, dont les longues guirlandes se mêlent aux roseaux. Rien n'était ravissant comme ce lieu, et j'y demeurais longtemps rêveuse. En levant les yeux, je remarquai une petite maison placée à mi-côte et dominant toute cette solitude. Une haie épaisse entourait un jardin bien cultivé et plein de fleurs. Une petite barrière rustiquement fermée donnait sur les bords du lac. De l'endroit où j'étais, on distinguait l'habitation, quoiqu'elle ne fût élevée que d'un étage. Son toit, qui se prolongeait, était soutenu par des colonnes de bois simplement travaillées. La vigne vierge, le jasmin et le chèvrefeuille les entouraient. L'aspect de cette maisonnette était à la fois calme et riant. Les derniers rayons du soleil donnaient sur la petite galerie, et une femme âgée paraissait y jouir de leur douce chaleur. Je réfléchis que j'étais loin du château, que la nuit me surprendrait dans ces chemins difficiles, que cette maison, communiquant sans doute à la grande route par l'autre côté, je pourrais la prendre plus sûrement pour retourner à Tourville. Je me décidai à ouvrir la barrière, dans l'intention de demander à la bonne vieille la permission de traverser sa chaumière. J'avançai dans le jardin sans être aperçu, et elle jeta un cri de surprise quand je fus tout près d'elle. À ce cri, un jeune homme sortit avec précipitation d'une salle basse et demeura aussi frappé à ma vue que je le fus à la sienne. Un autre sentiment succéda de suite à mon étonnement. Rencontrer dans cette solitude un homme d'un aspect aussi remarquable, me trouver presque seul avec lui, était une situation, si ce n'est déplacée, au moins embarrassante. Je baissai la tête, car jamais regard plus puissant n'avait cherché les miens. Ses yeux, qui se fixaient sur moi, et à qui le monde n'avait point appris la feinte, avaient quelque chose de pénétrant que je ne vis jamais à d'autres. Leurs larges prunelles noires lançaient des flammes. Peut-être leur éclat aurait-il donné un peu de sévérité et de hauteur à cette belle figure, si le sourire le plus doux et le plus fin n'en avait tempéré la force. Des cheveux châtains clairs et bouclés ornaient un front que le mensonge ne rougit jamais. Et une main d'une beauté singulière les écartait à chaque instant avec une négligence pleine de charme. Sa taille était haute et bien prise, et dans toute sa tournure régnait une gaucherie gracieuse qui, dès le premier regard, prévenait en sa faveur. Au premier regard aussi, je reconnus le fils de l'ami de mon époux, ce Charles, que nous attendions de jour en jour. Je me nommais. À ce nom de Tourville, cette figure si mobile s'adoucit encore, et j'obtins de lui qu'il viendrait le soir même s'établir au château, ce qu'il ne comptait faire que le lendemain. Nous prîmes la grande route pour y revenir. La lune était élevée. Elle donnait en plein sur les rochers et les bois dont elle prolongeait les ombres sur les eaux de la petite rivière. Nous gardâmes quelque temps le silence, Charles sans doute embarrassé de se trouver si vite dans l'intimité d'une femme dont la réputation brillante l'avait effrayé d'avance, et moi, cherchant à lui parler un langage qui lui plût. Je me décidai pour le parti qui réussit toujours, je fus naturel, je peignis l'émotion que m'inspirait cette belle nuit. Bientôt, en effet, toute contrainte disparut, et je ne fus plus pour Charles, une de ces sommités du monde, qui effraient plus qu'elles ne plaisent. En m'entendant vanter le bonheur de la solitude, en voyant l'impression qu'elle faisait sur moi, il découvrit que nos goûts, nos sensations étaient les mêmes. Il est des âmes qui se devinent à quelques paroles, comme les francs-maçons se reconnaissent à quelques signes. Nous n'avions pas encore parcouru la moitié de la route, que déjà nous causions sans embarras. De temps en temps, nous nous arrêtions pour admirer le paysage qui nous entourait. Charles avait une conversation entraînante et pleine de pensées. Quelque chose d'original, de neuf, dominait ses manières. Ce n'était point ce que j'avais vu tant de fois dans le monde, l'imitation du beau et de l'aimable. Il en avait le principe même. Sa voix était forte et énergique, et pourtant les paroles gracieuses prenaient un nouveau charme dans sa bouche. Il les prononçait avec une ardeur méridionale et un accent un peu italien. Il apprit avec plaisir que je savais cette langue. « Tant mieux, » reprit-il, « nous la parlerons ensemble. » Déjà régnait dans notre conversation ce nous amical qui suit l'intimité, et lorsque nous arrivâmes à la porte du château, il me dit avec naïveté « Je croyais ma chaumière bien plus loin. » Il reçut de Madame Darcy, qui était pour lui une ancienne connaissance, un accueil presque maternel, et demeura ébloui de la beauté d'Adine. « Qu'elle est jolie, » répéta-t-il plusieurs fois. Adine, flattée de cet hommage naïf, le trouva dans ce moment très aimable. Tout ne tarda pas à prendre au château un aspect plus animé. Au bout de quelques jours, nous étions parfaitement à notre aise, et nous désirions plus que l'arrivée de M. de Tourville pour ajouter à nos plaisirs. Il s'arrangeait de même, comme il arrive toujours quand on est content de tout. Il me semblait connaître seulement depuis quelque temps cette sérénité, cette gaieté douce qui fait qu'on appelle à son réveil toutes les heures, parce que toutes elles doivent amener un plaisir. Chaque matin, je me disais, aujourd'hui ressemblera à hier, et je bénissais le sort qui n'y mettait aucune différence. Je plaisantais Charles de la crainte qu'il avait ressentie de connaître une femme merveilleuse et brillante telle qu'on m'avait peinte à ses yeux. « Ah !» me répondait-il avec un accent qui n'appartenait qu'à lui. Je devais cependant plus facilement me figurer une femme belle et à la mode. Que l'ange qui apparut dans ma modeste retraite. Oui, dans le monde, vous pouvez séduire par votre esprit, enchanter par vos grâces. Vous pouvez tout effacer par votre beauté, mais que vous serez loin, à mes yeux, du jour où je vous vis, si simple, si... Pourtant, interrompit Adine avec un peu de dépit, je vous assure que Madame de Tourville aime beaucoup la toilette, et qu'elle en fait de fortes éclatantes. À Paris, cela peut être indispensable, répondit Charles. Mais à la campagne, Madame de Tourville a trop de tact pour sacrifier à la mode et au luxe. Cela serait aussi ridicule qu'incommode. Je ne pus m'empêcher de sourire de cette petite sortie, car justement la parure d'Adine semblait faite ce jour-là pour un salon de Paris. Aussi, souvent retenue par sa coiffure ou sa chaussure trop légère, elle refusait de nous suivre dans nos excursions. Madame Darcy nous accompagnait autant que son âge le lui permettait, mais c'était souvent seul que nous errions Charles et moi, dans les chemins à peine tracés sur le flanc des montagnes. Tantôt nous nous arrêtions sur un pont tremblant, tantôt au pied d'une vieille tour ruinée. Charles remplissait mon album de paysages charmants qu'il crayonnait avec une étonnante facilité. Cet hiver, à Paris, nous les reverrons avec plaisir, me disait-il. Cela vaut bien les décorations de l'opéra, et le printemps prochain, nous reviendrons ici en dessiner d'autres. Sans doute, répondis-je. Chaque printemps m'y ramènera. Hélas, oui. Je devais y revenir, mais sans lui. Mais pour y chercher un tombeau. C'est là seulement que doit s'éteindre un coupable souvenir. Monsieur de Tourville m'écrivait souvent. Il savait que Charles était près de nous. Une de ses lettres vint tout à coup nous attrister. Il ne prévoyait point me rejoindre avant la fin de septembre, et nous devions le retourner de suite à Paris. Adine appelait cet instant de tous ses voeux, car la distraction agréable que lui avait causée la présence de Charles avait été de peu de durée. Il ne lui paraissait ni assez galant ni assez flatteur. Ses goûts pour la campagne, pour tout ce qui était simple et naturel, étaient tout à fait antipathiques avec les siens. Il avait trouvé, il est vrai, qu'elle chantait très bien les airs de Rossini. Mais cette musique brillante a besoin, pour être toujours entendue avec plaisir, du prestige d'un théâtre ou d'un salon. Charles lui-même avait une voix admirable, mais il préférait la musique douce et mélancolique. Il était poète, même en chantant, et tous ses tours de force et ses éternelles roulades ne lui plaisaient qu'un moment. Souvent, à la fin du jour, quand j'étais assis sur le balcon qui donne au-dessus du torrent, il m'apportait ma guitare et me priait de lui chanter une de ses romances dont les paroles ne sont pas seulement des sons. Je cédais à sa demande et plus d'une fois, je sentis mouiller de larmes le balcon sur lequel il appuyait sa tête. « Demeurons ainsi, me disait-il, si je voulais m'éloigner. Je rêve le ciel, à ne m'éveiller pas. » Seul, en effet, je le comprenais bien. Aussi me cherchait-il toujours. Nous restions de longues heures à échanger nos pensées. Avec lui, j'étais ce que je n'avais jamais été pour personne. Il le savait et s'écriait. Elle existe donc réellement, celle que je ne croyais trouver que dans mon imagination délirante. Et, le ciel en soit loué, elle existe pour le bonheur de mon meilleur ami. Si alors je lui parlais de son avenir, mon avenir, plus que jamais il est fixé ici. J'irai à Paris, mais pour ne pas vous quitter, et parce que M. de Tourville l'exige, mais je reviendrai vous attendre dans nos montagnes. Cette amitié si vive remplissait mon âme d'un bonheur si pur, si vrai, que je me demandais comment j'avais pu redouter Charles. Je l'associais à tous mes projets. Il remplissait mon avenir. C'était le frère que la nature m'avait refusé. Notre affection ajouterait même au bonheur de M. de Tourville. Enfin, je puis le dire, dans ces moments d'ivresse, j'étais trop heureuse pour ne pas être innocente. Hélas, les jours raccourcissaient déjà, l'air devenait plus frais. Les fleurs perdaient leur parfum, l'automne approchait. Je pensais à regret que dans peu nous allions quitter des lieux où j'étais si heureuse. Charles, il est vrai, nous suivait à Paris, mais le monde m'enlèverait une partie des heures que j'aimais à lui consacrer, et je m'attristais avec lui de la contrainte que nous allions bientôt connaître. « Le croirez-vous ? » me disait-il. « Si ce n'était la crainte de déplaire à votre époux, je resterais ici. Je vous retrouverais mieux dans ces bois, plein de votre souvenir, qu'au milieu de vos cercles. » Monsieur de Tourville arriva. La joie de son retour fut troublée. Il fallait avancer notre départ pour Paris. « Je ne puis trop me hâter d'y revenir, » nous dit-il. « Ces Français si légers s'émeuvent enfin au nom d'un peuple malheureux. Je viens d'être nommé président d'un comité qui se forme pour secourir les Grecs. » À ces mots, les yeux de Charles s'enflammèrent. Plusieurs fois je l'avais entendu parler, avec cette ardeur qu'il mettait à tout, de cette cause sacrée, et développer avec une entraînante éloquence les nobles et généreuses pensées que lui faisait naître ce sujet. La veille de notre départ, M. de Tourville, me parlant de quelques affaires pécuniaires, me dit « Je destine cette somme à ma filleule. Elle est considérable, il est vrai, mais j'assure en même temps la fortune de Charles, car mon intention est de les unir. Qu'en pensez-vous, chère Amélie ?» Le jour était sombre, les arbres que le vent balançait avec force devant les fenêtres rendaient l'appartement encore plus obscur. Je dus sans doute à ces circonstances que M. de Tourville n'aperçut pas la mortelle pâleur qui couvrit mon visage. Mon sang s'arrêta, mon pouls cessa de battre. Je demeurai sans voix. Cette image de Charles heureux par une autre me frappa au cœur. La vérité, mais une vérité remplie de désespoir, entra dans mon âme avec une coupable douleur. Quoi ? Cette amitié à qui je devais les plus grands charmes de ma vie, cette amitié que je caressais comme une vertu nouvelle, était un sentiment dont je devais rougir. J'aimais un homme que mon époux regardait comme son fils. Je l'aimais, ou plutôt je l'idolâtrais avec une violence dont je mesurais de suite la force. Sans doute mon silence et mon trouble eussent frappé M. de Tourville s'il eut le temps de les remarquer. Mais averti qu'on l'attendait, il était sorti à l'instant même. Je demeurai immobile, cherchant vainement à repousser une conviction terrible. Quand on s'approcha de mon appartement, l'idée que ce pouvait être Charles me fit frémir. Un escalier dérobé donnait dans le parc, je le franchis, et sans faire attention à un ciel couvert de nuages noirs et épais, je me mis à marcher avec une inconcevable rapidité. J'atteignis les bois extérieurs, je fus bientôt dans ces chemins que j'avais parcourus tant de fois avec. Mais aucune pensée consolante, aucun doux souvenir n'arrivait jusqu'à moi. J'allais comme une insensée, et comme si le mouvement eût arrêté la douleur horrible qui me bouleversait. Ma tête nue était en feu. J'aurais voulu fuir au bout du monde, ne jamais revoir ni celui qu'il me fallait oublier, ni celui que j'offensais par ce coupable amour. Déjà, depuis longtemps, la pluie tomba avec force, le tonnerre s'y mêla. J'arrivai auprès de la maison de Charles. Aussitôt que je m'en aperçus, je voulus m'éloigner comme du bord d'un abîme. Mais les forces me manquaient. Mes pieds s'embarrassèrent dans les hautes herbes qui bordent le lac. Il me sembla que mes artères se rompaient. Je crus que le ciel ne voulait même pas accorder un instant au repentir, que ma dernière heure était venue, et je tombais sans connaissance sur la terre. Je demeurai assez longtemps évanoui, car la nuit était arrivée lorsque j'ouvris les yeux. J'étais dans la chaumière de Charles. Sa vieille nourrice tenait une lampe à la main et me regardait avec effroi. Lui-même, à genoux, me soutenait dans ses bras tremblants. Mes mains glacées étaient réchauffées par les siennes. Ah, c'était alors qu'il fallait mourir. Je n'avais qu'une pensée, qu'elle était douce. Il était là. Ses yeux m'exprimaient un sentiment si tendre. « Amélie, me disait-il, avec cette voix touchante que Dieu eût prêtée à la pitié. Amélie, parlez-moi. Regardez Charles, votre ami, votre frère. » À ce dernier mot, je fondis en larmes. « Qu'avez-vous ? » continua-t-il. « Est-il une peine que vous ne puissiez me confier ?» Je dégageai mes mains. J'en couvris mes yeux que la honte baissait pour la première fois, et mes larmes coulèrent avec amertume. Charles ordonna à la nourrice de s'éloigner. Il voulut reprendre ma main. Appuyai ma tête décolorée sur sa poitrine. « Ah, laissez-moi » m'écriai-je, en essayant de m'éloigner. « Je dois retourner au château à l'instant même. » « Impossible, » reprit Charles. « Écoutez la violence de la pluie. Les vents sont déchaînés, et vous ne savez pas combien ces bouleversements de la nature sont dangereux dans nos montagnes. Les torrents entraînent d'énormes rochers, déracinent les arbres, et peuvent écraser l'imprudent qui se hasarde dans les chemins. Ici, chère Amélie, nous sommes à l'abri. Je sais que vous ne dédaignez pas ce modeste toit. Ah, laissez-moi profiter des dernières heures que le bonheur m'accorde. Je puis les passer seul avec vous, et demain nous partons pour aller trouver ce monde qui vous enlèvera si souvent à moi. N'aimez-vous plus, ajouta-t-il avec un regard enchanteur, cette entière solitude. Il me semble que, séparé de tous, vous n'appartenez qu'à moi, que moi seul je suis votre ami, votre protecteur. Amélie, que ma vie serait belle si je pouvais vous la consacrer tout entière. Je sentis de nouveau mes genoux se dérober sous moi. Mes lèvres et mes joues devinrent brûlantes. Le remords se tut un instant. Ce besoin de bonheur qui dévore l'existence, ce cri du cœur plus fort que la vertu même se fit entendre. Qu'il sache au moins combien je l'aime, pensai-je dans mon égarement, qu'une fois, une seule fois, je prononce ces paroles qui valent toute une vie. Les regards de Charles me brûlaient. Je me sentais dévoré d'amour et de crainte. Lui, plus heureux, s'abusait encore. Mais moi, épouse d'un autre, moi qui connaissais le monde, moi qui, quelques années de plus, donnais plus d'expérience, n'étais-je pas la seule coupable? Si je ne le repoussais pas, où s'arrêterait notre faiblesse? Une fois unis par ce mot si puissant, « Je t'aime », nous étions perdus. Charles se livrerait à sa passion avec un excès que je ne partagerais que trop, et que moi, il succomberait sous le remords. Dieu vint à mon secours. Je compris la tâche qui m'était imposée. Je compris que l'existence ne nous avait pas été donnée pour troubler celle des autres, et que deux âmes telles que les nôtres ne devaient jamais s'avilir. Ma figure peignit sans doute cette nouvelle impression de mon âme. Elle perdit son expression passionnée et pour la première fois, j'adressai à Charles des paroles sévères. « Vous oubliez facilement votre ami ?» lui dis-je en appuyant sur ce mot. « Et son inquiétude pour moi et pour vous. Quelque temps qu'il fasse, je dois partir. » Les yeux de Charles se remplirent de larmes. « Je ne vous reconnais plus, » me répondit-il tristement. « Votre voix, votre langage, tout est changé. Qu'ai-je fait, Amélie? Dites-le-moi, ou je ne quitte pas vos genoux. » Et l'insensé y appuyait sa tête. Je sentis son souffle brûlant sur le vêtement léger qui me couvrait. Je sentis qu'il arrivait jusqu'à mon cœur. S'il ne se fût agi que de ma vie, je l'eusse donné pour savourer une heure, une seule heure, de ses délices. Mais l'honneur, le repos du meilleur des hommes, devais-je les sacrifier? De quel œil soutiendrais-je le regard de celui qui jusqu'alors avait béni le jour où il s'était uni à moi? Quoi? J'avais passé les années dangereuses de la jeunesse sans qu'une pensée coupable souillât mon âme, et je succomberais à l'époque où, les illusions s'éloignant, le calme d'une conscience satisfaite console des charmes qui vous abandonnent. Et, je dois le répéter, si je n'eusse perdu que la vie, je n'aurais pas repoussé ce bonheur que mon âme seule avait jusque-là deviné. Mais Charles, mais mon époux, morte pour eux et morte déshonorée, cette pensée me rendit du courage, et m'avançant vers la porte, je voulus sortir. « Restez, » prononça Charles d'une voix sombre, « passez la nuit ici, je vais à Tourville. Qu'importe après tout si je succombe? Votre froideur a froissé mon âme. Déjà vous me faites connaître ce que vous me réservez dans ce monde où l'on veut me conduire. » En finissant ces paroles, il ouvrit la porte avec violence et disparut. La chambre où je me trouvais était celle qu'avait occupée la mère de Charles. Dans ce lit, elle était morte. À côté était encore le premier berceau de son fils, de ce fils que je venais peut-être d'envoyer à sa perte. Je tombai à genoux. Je cachai ma tête dans les plis des rideaux pour ne pas entendre le bruit de l'orage, mais inutilement. Loin de se calmer, il augmenta de violence. Alors, mon désespoir n'eut plus de bornes. Je voyais Charles, expirant, rouler de rocher en rocher, trouver la mort dans un abîme. Je crus alors payer la vertu trop chère. Je l'appelais comme s'il pouvait m'entendre, et je répétais avec une angoisse délirante, « Non, je ne vivrai pas seulement pour le pleurer. » Avec le jour, le temps devint plus calme. Je n'avais pas fermé les yeux et ne me levais de la terre où j'étais prosterné qu'à la voix de monsieur de Tourville. Il recula en me voyant s'y changer et me gronda doucement de mon imprudence. « Charles est arrivé au milieu de la nuit, m'apprit-il. Moi et mes gens, nous vous avions vainement cherché, et j'avais pensé qu'il vous avait conduite chez lui. Aussi je l'ai blâmé d'être revenu, car il a failli perdre 20 fois la vie. Il m'a fallu le forcer à prendre du repos. Vous ferez bien d'en faire autant, chère Amélie. Nous retarderons notre départ de quelques jours. » J'assurai M. de Tourville que je serais en état de le suivre le soir même, et je sentais en effet que le mouvement de la route, le changement de lieu, me serait plus favorable que le repos. Nous partîmes. Pendant le voyage, mes yeux évitaient ceux de Charles. Je frémissais à l'approche de sa main. Lui, sombre et blessé, me regardait tantôt avec un amer sourire, tantôt avec une douleur que sa fierté ne pouvait réprimer. Arrivé à Paris, M. de Tourville s'occupa de son ami, le lia avec des artistes, lui fit connaître le monde. Je le voyais à peine et me croyais presque guéri. Sous le prétexte de mener Adine dans la société, je m'y répandis plus que jamais. Plus que jamais je m'efforçais de paraître gai, pleine de saillie. Mais au milieu de la plus piquante, je m'arrêtais comme étonné de moi-même. Mes yeux se remplissaient de larmes. Je les éparpillais sous mes paupières brûlantes. Je rentrais chez moi encore plus découragé qu'autrefois. Aussi, après un bal, une brillante soirée, je passais souvent le reste de la nuit à écouter les pas de Charles qui se répétaient sur le plafond de mon appartement, car celui qui l'occupait était au-dessus. Je savais ainsi qu'il ne dormait pas. Un pressentiment me disait que les mêmes pensées nous occupaient. Et si j'en avais douté, ses manières me l'eussent appris. Obligé de se trouver avec moi, s'il était forcé de me parler, un froid madame remplaçait l'intimité d'autrefois. Était-ce la même voix qui m'avait tant de fois répété « Si vous saviez combien j'ai besoin d'être aimé » Était-ce le même être qui ne pouvait s'éloigner un instant de moi? Mais tout était bien ainsi, je l'avais voulu. Je devais le vouloir encore. Pourtant, je sentais que nous nous étions compris. C'est en vain que le devoir, que leur volonté même sépare de cœurs qui s'entendirent. Un lien secret, un lien que la mort seule peut rompre, les unit. Quelles que soient les apparences, malgré tout, enfin, ils savent qu'ils s'aiment. Le monde entier leur dirait le contraire. Ils ne le croiraient pas. Je devinais Charles, même où il voulait que je ne le reconnusse pas. Si j'allais au spectacle, je le cherchais involontairement et jamais en vain. Souvent il se cachait derrière une colonne et je n'apercevais que sa main appuyée, mais je ne m'y trompais pas. D'autres fois, je ne voyais que les larges plis de son manteau. J'étais pourtant sûr que c'était lui. Un soir, il était dans l'ombre, à quelques pas de moi. « Voulez-vous venir au bal de l'opéra ? » lui dit-on. « Au bal ? » reprit-il de manière à ce que je puisse l'entendre. « Qu'irais-je y faire ? Non, certainement, je n'irai pas. » Je respirais. Je ne lui aurais pas pardonné d'y être allé. Telle était ma vie, les jouissances, les tourments, que je devais à une passion que j'essayais vainement de vaincre. Un cœur de femme peut seul me comprendre, car quelle est celle à qui j'apprendrai la douleur ? La mienne mimait mes jours. Mon insomnie était presque continuelle. Mes yeux, tour à tour mornes ou éclatants, dénotaient mes souffrances. Mais M. de Tourville, me voyant toujours entouré de plaisir, ne s'en inquiétait que faiblement. Aline avait bien d'autres pensées. Un seul être devinait sans doute mes efforts pour cacher mon mal. C'était l'époque où l'on s'occupait le plus des Grecs. Chacun voulait contribuer à cette noble aumône. On improvisait à leur profit des bals, des concerts. M. de Tourville décida que nous donnerions une fête brillante qui, en attirant beaucoup de monde, nous promettait une collecte considérable, car on quêtait pour ces infortunés dans les salons. Le plaisir et la légèreté venaient pour cette fois consoler le malheur. Depuis plusieurs jours, je n'avais point aperçu Charles, quand mon époux l'amena dans mon appartement où j'étais avec Adine. Il vient, me dit-il, répéter avec elle le morceau qu'ils doivent exécuter ensemble. Notre sauvage ami consent enfin à se montrer. Son enthousiasme pour les malheureux Hélène a pu seul les décider. Et vous, Amélie, ne chanterez-vous pas ? Une simple et plaintive romance ferait bien peu d'effet, répondis-je, avec un peu d'amertume. Vous savez que je ne chante que cela. Ils n'ont de mérite que dans la solitude. Je cherchais les yeux de Charles. Ils étaient baissés, mais je devinais sa pensée sous ses longues paupières. « Je suis bien aise, me dit M. de Tourville, lorsque nous fûmes seuls, de la circonstance qui rapproche Charles d'Adine. Peut-être se décidera-t-il, car je lui fais part de mes projets. Et il hésite, interrompis-je avec émotion. Je ne sais vraiment ce qu'il pense, ni ce qu'il veut faire, continua M. de Tourville. Les artistes avec lesquels je l'avais lié se plaignent de ne plus le voir. Il laisse inachevé un tableau qui pouvait le faire connaître. Il fut la société où l'attendait plus d'un succès. Et si je lui parle de fortune, d'avenir, il me répond à peine. Elle arriva enfin, cette soirée qui devait tant marquer dans ma vie. Mes salons étaient remplis depuis longtemps, quand Charles parut. Sa beauté, si remarquable, ne m'avait jamais tant frappé. Forcé pour la première fois de sa vie d'être acteur sur la scène du monde, son embarras plein de noblesse et de grâce avait une expression indéfinissable. Mais quand sa voix sonore se fit entendre, quand, après avoir chanté un morceau avec Adine, il continua seul, je sentis s'arrêter les battements de mon cœur. Et le plaisir que j'éprouvais devint vif jusqu'à la douleur. Les applaudissements résonnaient encore à mon oreille quand les paroles suivantes me tirèrent de l'extase où j'étais. Cette charmante personne qui a chanté avec ce beau jeune homme, disait une femme qui venait chez moi pour la première fois, est sans doute à Madame de Tourville. Non, lui répondit-on, c'est la filleule de son mari, et je ne sais s'il serait bien flatté qu'on lui crût une si grande fille. Quoique Madame de Tourville soit encore très belle, reprit la première, elle est d'âge, je crois, être la mère de cette jolie personne. Je regardai Adine. M. de Tourville venait de placer sa main dans celle de Charles. Ils allaient danser. Jamais elle ne m'avait paru si éblouissante. Sa tête couverte de fleurs, cette brillante jeunesse qui se rapprochait de celle de Charles, cet éclat du printemps de la vie que rien ne peut remplacer, tout cet ensemble si frais, si attrayant, me fit connaître pour la première fois une sensation horrible. L'envie entra dans mon cœur. J'éprouvais presque de la haine pour cette jeune fille, et je rougis de l'avouer, j'osais regretter que mon époux se fût montré si généreux. Épouvanté d'un sentiment si peu fait pour moi, je me sentis pâlir d'effroi, et voyant tout le monde occupé de la danse, je m'enfuis au fond de mon appartement qui faisait suite au salon. Moins éclairé que les autres pièces, je n'apercevais que de loin les lumières éclatantes qui égayaient la fête. Et je n'entendais que faiblement le son de la musique. Tombé sur un siège, je me relevais de temps en temps pour essayer mon courage. « Eh quoi, me disais-je, à quelle honteuse passion j'abandonne mon âme. J'envie à cet enfant ses avantages. Je suis jalouse de l'amour que Charles prendra peut-être. Suis-je libre pour le lui disputer? Et si je l'étais, irais-je opposer les restes d'une beauté presque finie au charme si puissant de l'innocence? Je suis belle encore, dit-on, et cet encore résonnait à mon oreille comme une offense. Je regardais ma parure avec tristesse, ces longues plumes blanches, ces diamants qui chargeaient mon front. Cette magnificence, défendue à la première jeunesse, m'était insupportable. C'est la fraîcheur de 16 ans qu'il aime, me répétais-je avec amertume, et la fièvre de la jalousie se mêlait au remords. Une émotion si prolongée m'anéantit enfin, je me sentis mourir. Une main approcha de mes lèvres une coupe d'eau glacée qui me ranima. On m'entraîna près d'une fenêtre entr'ouverte. Mes yeux étaient encore fermés, mais je sentais, je vivais. Je ne m'y trompais pas, c'était lui. « Amélie, me dit-il, chère Amélie, parlez-moi. »« Que voulez-vous ? » répondis-je avec égarement. « Pourquoi êtes-vous là ? » ?»« La danse, les plaisirs vous réclament. Adine vous attend. »« Puissance du ciel, venez à mon secours, » s'écria-t-il. « Donnez-moi le courage de mourir avant que ma bouche ait offensé mon ami. » Et l'infortuné tremblait avec violence. « Dois-je l'avouer ? » Son désespoir portait la joie dans mon âme. Je le regardais. Un tel regard ne peut s'oublier, et le cœur qu'il reçut dut en garder la mémoire. « Amélie, » reprit-il après un moment de silence, « il faut finir mon supplice et vous fuir à jamais. » Mes forces m'abandonnèrent de nouveau à ces mots. Charles me présenta une seconde fois la coupe, et la vida ensuite lui-même. « Mon sort est fixé, » dit-il d'une voix déchirante. « Le bonheur ne peut jamais être mon partage. Mais du moins, Amélie, n'oubliez pas ce moment. Qu'un tel souvenir soit pour nous seuls, et que ce vase, que mes lèvres ont touché après les vôtres, ne soit jamais profané. » Ces paroles étaient à peine prononcées que j'entendis au milieu du silence de la nuit le son clair du cristal qui se brisait sur le pavé. Une larme tomba sur ma main. Charles s'éloigna. Les jours qui suivirent devaient tous se ressembler, et une seule pensée dominait désormais ma vie. Ce n'était plus un sentiment vague qui pouvait m'abuser encore sur mon crime. Dévoré d'une passion coupable, je brûlais et redoutais d'en voir l'objet. Mon époux même, mon époux si indulgent, si digne d'être aimé, ne m'inspira plus que de l'effroi, et je ne sais, peut-être, de la répugnance. Je le fuyais, je fuyais le monde entier. Je ne pouvais me supporter que dans la solitude. Cependant le temps s'écoulait, et je ne voyais plus Charles. Vainement, M. de Tourville me pressait-il de soigner ma santé. Je repoussais tout conseil, tout remède. Les distractions qu'on m'offrait m'étaient odieuses. Enfin, je ne combattis plus, je me livrai tout à ma douleur, et je ne voulus plus m'avouer qu'elle était coupable. Pourtant, quelques instants de bonheur m'étaient encore accordés. J'entendais ses pas, je savais qu'il était là. Une fois même, ah, que Dieu me pardonne, si trop souvent, depuis mon faible cœur à murmurer, de n'avoir pas succombé à une séduction si puissante. Une fois, M. de Tourville avait conduit Adine à une fête, et resté seul, j'avais senti se soulever un peu le poids qui m'oppressait. Mon âme, abandonnée à ses pensées, était attachée au faible bruit qui m'annonçait que Charles était là. Tout à coup il cesse, et bientôt après, je l'entendis lui-même entrer dans la pièce qui précédait celle où j'étais. Il s'arrêta contre la porte en glace qui nous séparait et y appuya sa tête. Un profond soupir parvint jusqu'à moi et bouleversa ma raison. Je me levai. Ma main froide et tremblante se posa sur la clé. J'allais ouvrir, tomber dans ses bras, entendre enfin ces paroles dont mon âme était avide. Tout était oublié. Honneur. Ma bouche murmurait déjà un aveu coupable, quand mes yeux, guidés sans doute par une faveur du ciel, se dirigèrent sur une image chère et sacrée. C'était celle de ma mère à son lit de mort. J'avais raconté à Charles cette scène touchante qui avait tant frappé mon enfance, et il l'avait peinte avec une vérité qui la rendait encore plus présente à ma pensée. Je m'arrêtai aussitôt. Dans peu, me dis-je, comme celle qui m'a donné la vie, je connaîtrai ce moment redoutable où rien n'en dort la conscience. Dans peu, je serai sur mon lit de mort. Eh bien, que j'y arrive, sans qu'une action coupable, une faute volontaire ait souillé ma vie. « Et toi, » m'écriai-je alors en tombant à genoux près de la porte qui nous séparait, « laisse-moi te retrouver au ciel. » Ses sanglots continuaient. Il me semblait que ses larmes retombaient sous mon cœur. Mais un nouveau regard sur la figure pâle et mourante de ma mère me donna le courage de prononcer de manière à ce qu'il pût m'entendre. « Charles, retirez-vous. Respectez la femme de votre ami. » À peine ces mots m'étaient échappés que j'en regrettais la sévérité. J'ouvris la porte, mais il était déjà loin. J'entendis fuir son pas rapide. J'eus encore assez de fermeté pour ne pas le rappeler, mais je sentis que je me condamnais à une douleur au-dessus de mes forces. Peu de jours après, M. de Tourville, en arrivant près de moi, me sembla plus agité que de coutume. « Enfin, me dit-il, tous mes projets sont renversés. Charles, que je regardais comme mon fils en qui je croyais trouver un jour l'appui de ma vieillesse, Charles refuse, Adine. Il fait plus, il nous quitte. Et sans me consulter, il a pris des engagements. Il s'expatrie. Il va défendre la cause sacrée des Grecs, et nul raisonnement ne peut l'arrêter. Depuis 2 heures seulement, je connais son projet. Et c'est lorsque tout est prêt, au moment où il va l'exécuter. Du reste, je ne puis le blâmer. Il suit l'impulsion d'un cœur noble et généreux. Aussi, pour lui prouver que mon amitié n'est pas diminuée, je l'accompagne jusqu'à Marseille. Je pars et je suis venu, chère Amélie, vous dire adieu pour lui et pour moi. J'ai jugé que dans l'état où vous êtes, toute émotion peut vous nuire. Charles a pensé comme moi, sans doute, car il n'a pas demandé à vous voir. Mais, ajouta M. de Tourville, en appuyant ses lèvres sur mon front, voici ce qu'il nous prie de garder comme un souvenir. Je vous le remets. Les femmes attachent plus de prix que nous à ces consolations du cœur. En parlant ainsi, il posa sur mes genoux le portrait de Charles. Aucune parole n'était sortie de mes lèvres, nul regard n'avait trahi mon émotion. J'étais froid et glacé. Mon arrêt venait d'être prononcé. Il ne s'agissait plus de combat, d'espérance, tout était fini. J'entendis le roulement de la voiture, elle passa sous mes fenêtres et tout demeura morne autour de moi. Le bruit de ses pas ne devait plus ranimer mon cœur. L'absence était la mort pour moi. Je le sentais. Je ne devais jamais le revoir. Ici les notes de Madame de Tourville finissaient, mais Madame Darcy m'avait raconté les derniers jours d'Amélie. Le printemps était à peine commencé, m'avait-elle dit, que je reçus une lettre de Monsieur de Tourville. Il m'annonçait le départ de Charles, le mariage d'Adine et l'état où se trouvait sa femme. Les médecins, écrivait-il, persistent à n'y voir aucun danger. Ils ordonnent la distraction, les voyages. Je lui ai proposé d'aller près de vous, elle y a consenti et nous partons. Si je n'avais pas été averti, je n'aurais pu contenir ma douloureuse surprise en revoyant Amélie. Quel changement! Ce n'était pas seulement sa pâleur et sa maigreur qui m'inquiétaient, mais son regard morne et éteint, cette absence totale de tout intérêt, de toute vivacité. Elle, dont la beauté prenait son plus grand charme dans une physionomie animée, dans des yeux brillants et pleins d'âme, on ne retrouvait plus rien de ce qui la rendait naguère si charmante. Ses longs cils noirs formaient une ombre presque continuelle sur ses joues blanches comme l'albâtre, et quand elle les soulevait avec effort, la bonté et la souffrance résignée d'un ange s'y lisaient seules. Errant sans cesse dans les bois, on devinait, lorsqu'elle s'approchait des abîmes, qu'elle en considérait le fond presque avec envie. Du reste, elle ne se plaignait jamais. Pendant ses nuits sans sommeil, elle ne souffrait pas qu'on veillât près d'elle, et je savais seulement qu'elle écrivait beaucoup. Bientôt, elle ne sortit plus de son appartement et souvent même de son lit. Je m'inquiétais vivement. Monsieur de Tourville, jusqu'alors tranquille, perdit sa sécurité. Il partit pour Lyon, d'où il ramena le célèbre docteur X. Celui-ci examina longtemps Amélie, causa seul avec elle, et me parut plus sérieux après. « Elle est fort mal, dit-il, enfin. Une maladie du cœur assez avancée, un état nerveux très exaspéré, présent du danger. Pourtant, si elle n'éprouve aucune secousse, si on n'emploie aucun remède, si on la change souvent de place, j'espère qu'elle guérira. » Nous demeurâmes encore plus inquiets après la consultation, car j'avais cru deviner dans le jugement du docteur la bonté qui veut donner l'espérance et la science qui voit une triste vérité. Je ne quittais plus ma pauvre Amélie. Un soir, elle me donna un petit livre sur lequel elle avait écrit tout ce qui lui était arrivé d'important depuis son enfance. « Peut-être, me dit-elle, m'accuserez-vous d'avoir jusqu'à ce jour manqué de confiance. Mais je n'ai pu me décider à rougir à vos yeux. » Je voulus répondre, elle m'arrêta doucement. « Ne parlez pas de moi. Plus tard, vous lirez ce que je vous remets. Vous connaîtrez ce que j'ai souffert. Mais que ce soit quand mes peines seront finies, Je sais tout ce que la raison devait opposer au mal qui me tue, mais j'étais faite ainsi. Écoutez un seul mot, chère Amélie. Vous, si bonne, si tendre, ne sentez-vous pas combien vous êtes cruelle envers votre époux, envers moi, qui vous ai tenu enfant dans mes bras? Quelle consolation nous laissez-vous? La résignation et le courage, répondit-elle, de vertus qui me manquent. Pourtant, croyez-le, j'ai combattu plus d'un jour, et je meurs de mal dont un cœur comme le mien ne pouvait guérir. Elle se tut, et je l'imitais. Une pensée inattendue était entrée dans mon âme. Le nom de Charles erra sur mes lèvres, mais le regard mourant d'Amélie me condamnait au silence. Dans ce moment, M. de Tourville parut. Sa figure, ordinairement si calme, était très abattue. Quel que fût l'affaiblissement de sa femme, elle remarqua l'altération de ses traits. « Vous avez quelque inquiétude nouvelle ? » dit-elle avec anxiété. Il l'assura qu'elle seule lui en causait. Mais il était facile de s'apercevoir qu'un chagrin récent venait se mêler à cette douleur. Amélie laissa retomber sa tête sur le dos de son fauteuil et nous gardâmes le silence. C'était la fin d'une triste soirée d'automne. L'oiseau de nuit rasait de son aile la fenêtre ouverte contre laquelle nous étions assis, et nous n'entendions que le bruit monotone de l'eau qui roulait au pied des murailles. Le silence qui nous entourait était empreint d'une solennelle tristesse. Amélie paraissait assoupie. J'étais très inquiète de M. de Tourville. Il fallait que sa peine fût bien vive pour qu'il ne pût la cacher. Je lui fis signe de me suivre, et passant dans un cabinet dont la porte resta entrouverte, je l'interrogeai. « Je viens de recevoir une lettre qui me cause un mortel regret, » me répondit-il. « Charles a succombé dans un combat. Il est tombé, criblé de blessures. Il est mort. » Un cri déchirant arriva jusqu'à nous. Nous accourûmes pleins de terreur. Amélie était mourante. Elle pressait sur son cœur un objet qu'elle retenait avec force. Un rayon de la lune qui tombait sur sa pâle figure nous la montrait entièrement bouleversée. Monsieur de Tourville sortit pour aller chercher des secours. Je voulus en attendant l'éloigner de la fenêtre, mais elle me repoussa faiblement et me montrant le ciel. « Pardon, Ella, n'est-il pas vrai ? » prononça-t-elle d'une voix à peine intelligible. Je sentis sa tête qui ne se soutenait plus. Sa main chercha le balcon et laissa échapper le portrait qu'elle pressait sur son cœur. Je l'entendis tomber dans les eaux du torrent et le dernier soupir d'Amélie s'exhala en même temps. Ainsi s'achève Le dernier amour par Jenny Bastide.